l'esprit tué. Je m'exprime, texte n'a rien de spirituel. Le sexe prime, rouge néon, néant, string et petite ruelle. Cruel, crime et vie cruelle. Rhum, jamel, trip, trim à la truelle. Envie virtuelle, vue sur la cruelle brume résiduelle. Vertu et vertué, sans rituel. Ça c'est la crume, je vois que la buée du chrome, la prune. Tout pas cousse, doute pas de la valeur de ma bagousse. Écoute, tout part douce, doute pas, moi pour une part douce. Peu d'écoute, écoute douce, plus un pour 13, plus un bouge douce pour stress. Boue et scousse douce. Aucun instant magique, je suis loin, loin, je dans ma chic, machine chic. Oublie le hit et rejoins-moi dans ma schiste. Un son moins chic, beaucoup d'herbe et moins de shit. Une frappe réelle, rien de subtil, rap réel et stupide. Loin du stupide, stup cupide, plus de mal, je suis après elle. Et prends du beat, franc, français, trempe du beat, étrange. Le français trempe du tout pas, pousse. Doute pas de la valeur de ma babousse. Écouille, tout part tous, tout pas, moi pour une part tous. Peu d'écoute, écoute douce, plus un pour 13, plus un, bouge tous pour stress. Bouge, couche tous, plus le hate, pas de parasite. Y'a le style et la son sonne, son zone, sans pas paradis. Pas de bar, y'a un peu de ça apparemment. Frasé, pas de paramine, gamine, regarde, agarre, c'est paramètre. Sans un minimise, en trop j'croque, proc, minimise. Évite de faire le misanthrope, miss. Tout comme une mise en cloque, épuisante, nuisance. Né en prod, puissance de nuisance, des rimes troubles. Quand je mets en prose, pense suisse, cause, même né en trop. Personne suisse. Personne. Tout pas cousse, doute pas de la valeur de ta bagousse. Écouille, tout part douce, doute pas de moi pour une part douce. Peu d'écoute, écoute douce, plus 5 pour 13, plus 1. Bouge douce pour stress, boue et se pousse tous, c'est the ace.